Charlotte. Petit papa rêveur. Charlotte. Charlotte forever. À jamais dans mon cœur. Charlotte. Charlotte forever. Recherche d'un never-moi. Yes. Forever. Tous les amours se meurent. Sans toi, je suis plus moi. Je dérive à l'infini. Sans moi, approche-toi. Charlotte.